Ouais, ils sont là, ouais, je sais Jean-Louis, je sais. Fais pas le malin, t'as loupé toute la première mi-temps, alors fais pas faire le malin Jean-Louis en nous disant ils sont là, ils sont prêts, et vous, et oui, et nous aussi nous bien, sommes prêts. Oui, oui, bien sûr, ouais, deuxième mi-temps, là, live now, Sport à 7, 3-9, ce dimanche 2011, 2 septembre, time shift, Écosse-Argentine, et gagalité. Ah non, il y a 6-3 pour l'Écosse. Ah, oh, bon. Ouais, bah, ouais, vous faites n'importe quoi, vous. Oh là là là là. J'ai posé la question, Jackie, merci. Bien, retour ici à Wellington. C'est vraiment l'hiver, hein, Nouvelle-Zélande. Ce qui nous tombe sur la gueule, je peux vous le dire, c'est vraiment l'hiver. Oui, le gul hiver même. Hein. Bien revenu, tout le monde est installé comme il faut, madame, s'il vous plaît. Non, rhabillez-vous, madame, c'est ridicule. Rhabillez-vous. Vous êtes ridicule. Mais pour les Argentins, nous repartons à peu près sur les mêmes bases. Hein. C'est-à-dire que comme il pleut énormément, le ballon est glissant, donc il y a plein d'en avant. L'en avant, c'est la mêlée. La mêlée, c'est le merdier. C'est ça, c'est ça. Sportaz, la base du rugby du matin jusqu'à la nuit. Ce qui fait quand même beaucoup. Ouais. Vous l'avez compris. Voilà, petit matin, Chantant qui récupère ce ballon côté argentin, pourtant favori de ce match. Oui, enfin favori, pas vraiment. Troisième de la Coupe du Monde 2007. Ouais, mais c'était en France, c'était une Coupe du Monde particulière, pardon. Avec ouais, des fous, des dégénérés, des imbéciles et des abrutis. La récession, non, monsieur. Récession, mais oui. On arrête ici la session, on a déjà 700 minutes de jouer dans le match et finalement je ne comprends plus rien à ce que je raconte. Et les Argentins qui poussent et qui vont tenter Loudrop. Je le sens, ils se mettent en position de pouvoir taper Loudrop. C'est vrai, mais enfin pour l'instant ça veut dire qu'il y a une certaine impuissance dans le jeu, dans la possibilité de marquer 5 points, c'est-à-dire un essai. Voilà, le temps histoire de se remettre très vite à égalité, mais non, c'est plus que foiré, c'est une honte, c'est même la shame du drop, la grande shame, et c'est un dégagement écossais bien évidemment pour dégager le danger argentin qui n'en était pas vraiment, hein, oui, c'est vous dire. Oui. Donc vous êtes revenu 11, hein. Non, oui, pendant la mi-temps tout le monde va chier. surtout nous. Tout votez moi, en fait. Dur, votez mou, mais votez dans le trou. Oui, c'est pour bientôt d'ailleurs. Il va falloir voter un max, quoique. Oui. Quoique, j'ai l'impression qu'il faut d'abord agir, ensuite voter. Oui, à l'école primaire. Hein, vous aurez voté à l'école primaire socialiste, bien évidemment. Peut-être. À partir du 6 et du 19. Oui, c'est bien joué. Oui, alors toujours dans ce magazine de l'argent et de l'économique. Oui. Je fais bien de le signaler, Jacques, c'est vrai. Donc on voit là les actions obligataires. Voilà, on fait sortir Kerviel. Il prend le paquet. Bonne mise qui récupère tranquillement, qui met derrière. Oui, c'est le banquier, c'est la société générale. Qui attaque maintenant avec le crédit pionnier qui met à Freddy Abricole. Pourquoi il n'a pas transmis? Jean-François coopératif. Et quel plaquage super intelligent de l'Écossais qui a plaqué au niveau du ballon et qui a même récupéré le cuir. Bravo les Écossais sur cette défense. Un geste magistral que les Français feraient bien de regarder à la télévision au ralenti. Oh. Attention avec Martin Obriscol. Ici sort ce ballon. Qui garde la balle et qui va pouvoir dégager. Oui. DSKK qui envoie. Ah oui, qui envoie. Qui envoie la purée. Oui. Oh non. Oh, triste Anne. Tu n'es qu'un triste Anne. Le ballon dans les. Je pense que la police ne va pas tarder. Jackie, préparez-vous. De toute façon, finir cette Coupe du Monde là où vous savez que vous auriez dû la finir depuis très longtemps. Oui, et ne jamais la commencer, surtout. Surtout ça. Attention, dégagement Argentinos. Argentinos avec un magnifique coup de pied droit de Maradona. Récupérer ce ballon. Hein. Non, bien sûr que non. Le ballon étant chargé. Il n'est pas récupérable, le ballon. C'est son côté indépendant qui l'emporte. Il n'est pas dirigeable non plus, d'ailleurs, non plus, le ballon, c'est ça qu'il faut savoir. C'est vrai. On a tenté de téléguider, mais ça ne marche pas. Hein. Dans le rugby moderne, c'est trop difficile de mettre des capteurs sur le ballon. Bon, voilà, le gouvernement qui enlève les aides dans les ZEP. L'aide ZEP s'est arrêtée depuis quelques jours. Merci. Très bien, Jacques. Très rock'n'roll comme information. Bravo, Coco. Bien sûr. Sortie, écochèche. Écochèse. Ouais. Non, quand vous parliez de ballon dirigeable, hein, oui. Plutôt. Oui, bien sûr. Après tout, ah, j'ai explosé de rire, je sais, mais c'est qui, intérieur. Mais qui dirige? Qui dirige? Oui, c'est bien. C'est ouverture bien du ballon. Oh, ouverture du ballon. Oh, grand sabotage. Le ballon qui va revenir dans le champ de la caméra grâce à Jean-Louis. Bravo, Kiki. Elle a bien retourné, bien retourné. Il est obligé de le donner, mais c'est dur. Il le fait. Oh. Ah non. Si? Ah si, si, si. Le ballon est là pour la Vecran. Très bien. Les écochaises. Les écochaises. Ouais, ouais, la longue, chaise bio. Chaise longue. On la voit. Cochaise au porteur aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a ça sonne quelque part? Non, tout va bien. Personne ne nous appelle. Peut-être l'arbitre qui reçoit un coup de fil apparemment. Un coup de fil à retordre. Ça va être dégagé tranquillement par Jim McLaughlin. Jim McLaughlin qui dont on écoute le morceau fait par sa mère. Ouais, ouais, son morceau favori bien sûr, qui se souvient de ce morceau dans la petite enfance, qui nous endormait tranquillement. Eh bien lui s'en souvient, on l'écoute. On va souhaiter un bon anniversaire, on ne sait pas qui, puisqu'il n'a pas donné le prénom, Grand Jacques, mais visiblement, sa fille fait 9 ans aujourd'hui, donc il veut faire une dédicace à la 9e seconde de la 9e minute. Ah, c'est bientôt alors. On va surveiller ça de près. 45 minutes et 48 secondes, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54. Mais non, 5, mais attends, au moins 9e, là, tu vas pas me faire 7, le décompte jusqu'à la 9e minute. 8, là. Ah, stop 9, tout, stop 46, tout, comme on dit chez... Voilà. Chez Créma. Stop and go. Oui, le ballon. Oh, là, c'est bien. La confrontation se passe bien, on va dire. Ça va, hein, ça va bien. Le Racing Club de France n'est pas mal, mais là, c'était un bon petit attaque de Castres. Castres sera avec Jean-François Andrieux. Oh, le Mercier de la rue Goubard. Le Mercier de la rue Goubard qui a perdu la balle. Et les appuis, et relance à Rattin. C'est le Racinge. Ah là là, oui, c'est le Racing qui monte avec Chabal. Chabal. Berbizier. Jean-François Reverdier. Reverdier, Jean-François Berbizier qui sort la balle maintenant par ses partenaires, mais comme il remet le ballon dans les 22, il ne peut dégager directement. Et ce sera une contre-attaque écossaise, bien sûr. Jean-Baptiste Lafont, hein, qui va rentrer. C'est du lourd. Hein. C'est du lourd, Jean-Baptiste Lafont, il faut le rappeler. Épaulé jeté 140. Et il squatte énormément. Avec les Écossais vont marquer. Loche quoi? Loche d'Écosse. Loche Gringoche. Avec le ballon récupéré par celui-ci. Oh, il est fou celui-là. Il est magnifique. Il est grand et tout petit. La foi. Foutre Zeus. Amadeus. Oui, Amadeus. Un dégagement écossais, engagement argentin, pardon, dans la souffrance et la douleur. Mais ils récupéreront le bénéfice de la touche. Il y a encore un blessé, me semble-t-il, chez les Gauchos. On souffre terriblement. Et oui, les matchs s'enchaînent. Ouais. Et au bout du troisième, les organismes pètent. Alors, je sais pas, hein, les Gauchos, oui, peut-être. Ce n'est pas ma pointure, en tout cas. Ah, celui-ci, quand même, est exceptionnel. Ce numéro 14, Jean-Louis, si tu peux le recruter, le naturaliser et le récupérer, je pense que ça peut intéresser l'équipe de France. Ouais, tu nous l'envoies là en colis express. On en a besoin là pour le live and direct, Sportaz, où aimes-nous? Live and direct, finalement le cendrier va au lieu de dire les conneries. Oh, bon, faut aller le chercher, mon vieux. Non, je regrette, il va falloir payer maintenant. Oh, t'en fous, mais moi je te salope le sang. Vas-y, tout, brûle-moi tout. Je salope le chalet, moi. De toute façon, c'est le dernier match, y'en a marre. On arrête, tout le monde merde. Le matin, là, j'en ai plein le cul. Kyushima, quoi. Vous le mettez au milieu. C'est pas con, ça. Oui, il y a juste un petit temps mort, Jackie. Vous avez la trompette de la mort. Ouais. Allez-y, Jackie. Oui, pour tout vous dire, nous partageons un cendrier de 2 cm². Oh là là, oh là là. Nous avons perdu 14 ballons quand même du côté argentin. Non, il peut plus y aller. Il faut qu'il arrête. Il boite trop. C'est difficile à dire, mais il faut qu'il arrête le numéro 7. Il y aurait quand même quelques gagnants. Hein. Effectivement, le numéro 7 boit trop. Jean-Louis, c'est quoi? C'est un arrêt de jeu. Hein. Ça nous permet à nous de travailler directement. Car oui, bien sûr, nous n'avons même plus le temps de nous reconcentrer sur les matchs suivants. On travaille le revers, là, en ce moment. Ce que vous entendez, c'est Jacques. Hein, qui... Écoute-moi le revers. Dégagement de contemporain, petite mini-faute. Sans danger. Hein. Oh non, c'est pas à l'image des All Blacks hein, hier qui jouaient plus que dans la faute, qui jouaient dans les joueurs. Là, il est bien pris contemporain. Ne me parle plus de ce match d'hier, Jacques. Oui, enfin, d'hier fraîche. Hein. Bien sûr. Sortie de balle pour l'Argentin qui va pouvoir se dégager. On protège le cuir, le rack est un petit peu... Oui, oh, petit coup de pied qui a failli être contré, mais récupération du ballon par, hein, par la coche. Les costumes, les costumes sont effectivement de Donald Cardwell. Ah oui, quelle art. Oui, madame, c'est mais c'est ça le rugby. Nous allons atteindre, bien évidemment, la 9e minute fatidique. Les Écossais qui vont atteindre le Mach 9. On voit ça tranquille. Mach 9 des Écossais par-dessus la mêlée qui n'en est pas. Mais c'est direct, c'est mal joué de la part de cet enfoiré. Bientôt donc la 9e seconde de la 9e minute. Mais pas encore, on a le temps si on commence à le dire maintenant. Oui, 30 secondes. On a 30 secondes, on a le temps. Dites-moi, une conception du temps. Par contre, là-bas, ça tombe comme, comme à Gravelotte du côté de Wellington. On en prend plein la poire, plein la gueule. On est trempé jusqu'aux os. C'est l'hiver ici, on se pèle le cul. Moi, je vais rentrer en France, j'en ai marre. Attention, Benazi qui récupère donc pour le Racing. Oui, pour, oui. Ah ouais, non, mais en avant, c'est un avant. Eh bien, écoutez, oui, nous sommes dans la 49e minute, donc dans la 9e minute de la seconde mi-temps. Attention, nous allons atteindre la 9e seconde et nous allons pouvoir dire donc gentiment et sincèrement bon anniversaire, petite. On t'amène le cadeau par hélico. Oui, c'est bon, ça, ça te plaît. Sportaz. Voilà. Oh là, les quoi des problèmes. On a du mal à repartir. On se pose. Posez-vous, les gars. Bon anniversaire, petite. Ah, merci à tous et merci à toutes de nous avoir suivis jusqu'ici. Sortie de ballon par les Écossais avec le grand fou, grand fuck. Il transmet. On a du mal à se faire dans les combinaisons du côté scottish. Et finalement on y va comme ça, on conteste le cuir, mais on ne l'aura pas. Le ballon est sorti une fois de plus pour la Scottish Team. L'Écosse Team. Oui, avec Jean-Pierre Rives. Oui, qui récupère pour Skrelous. Qui joue Sous Park, peut-être. Non, on cherche du soutien, mais en mouvement. Parce que là, on prend son élan, mais on voit arriver côté argentin. Les Écossais les mènent, Jacques, 6-3. Ils sont pour l'instant en devant, et les Argentins risquent de rentrer à Maizou, à Kassa. Oh, récupération de personne, si ce n'est celui-ci, mais il est pris férocement. Ouh. Sans sortir. Bravo Coco, et cette fois-ci, sinon, pas de touche, on peut relancer le carjou d'Anjou. À fond, tout à fond. Et Mendoza. Si, c'est bien. C'est pas mal ce que fait Mendoza. Paracétamol. Oh non, ouais, c'était hier. Hein, paracétamol, d'ailleurs, il a mal à la tête. Non, c'était AK, c'est ça. C'était pas ça du tout. Hein, c'était paracétamol. Ah, pardon. Regroupement général, réunion syndicale, les gars, on y va. C'est donc une mêlée signalée par monsieur. C'est qui a monsieur qui a fait le café. 100% arabica, hein, monsieur qui a fait le café. Toujours là. Moulu quand il le faut. Ou en grain. Ouais. S'il est costaud. Rabica, hein, pas confondre avec le Akabira. Ouais, j'en ai 51 minutes de jeu déjà, mais ça file. Cette seconde période file à une vitesse grandiose. Et il y a du blessé partout. Hein. Effectivement, là, ça commence à péter, à casser. L'homme est solide, mais l'homme ne peut encaisser des chocs à outrance. Et à longueur de compétition, l'homme se brise, l'homme se pète comme du petit verre. L'homme a mal. J'en arrive à penser qu'on aurait pu battre les Argentins sous la pluie, peut-être, en France 2007. on va pas revenir jusque-là, Jacques, jusqu'en arrière. Oh, on nous montre bien des vieilles images, parfois. On honore ce qui s'est passé avant. Ah non, mais là, c'est l'hémisphère sud, alors qu'est-ce que tu veux qu'on aille foutre en honore. Je ne comprends pas du tout. Oh non, il va pas cracher plus, sujet de cette déjà. Enfin, monsieur... Ah, voilà, on se remet les dents. Non, Jack Lemmon. Oh là là, il y a Yul Brynner qui est venu quand même. Non, Yul Brynner. Qui est venu prêter main forte. Et c'est effectivement le paquet. Jean-Louis. Les Écossais qui pourraient tenter un petit coup de pied pour s'élarger. Ah, pour l'instant, je ne sais pas. Non, l'introduction est argentine, Jacques. Donc ça va être déjà difficile de récupérer le ballon. C'est vrai ce que j'ai dit. Mais quand même, s'élarger, c'est un mot intéressant dans le rugby moderne. Oui, parce prendre que le large, ouais, c'est large. Ouais. Dans le rugby, oui, parce que dans le français, c'est pas terrible. Là, c'est large. J'ai beau regarder, c'est large. C'est léger, oui. Ah, ça y est, on chamaille un peu. Ah, ouais, non, ouais. C'est large. Et on se réchauffe surtout, on se réchauffe parce qu'avec cette pluie-là, c'est terrible. Non, mais c'est vrai, on parle d'élongation, mais l'élargation. Ça n'existe pas, c'est l'écartement, c'est la dilatation. question, Jacques. Si vous voulez vraiment savoir les choses, hein, je vous transmets mes amitiés et je vous transmets aussi autre chose. Le ballon est récupéré par l'Écosse. Le bonjour à Ponce Dilat. L'Écosse qui balance par-dessus, on cherche maintenant la faute, hein, parce qu'il est difficile de jouer dans ces conditions. Je vous rappelle qu'il c'est entre pluie et neige ici, à Wellington, où il fait moins 16 degrés. On se pèle terriblement le cul, il tombe du gel. Pourtant il bénéficie d'un bon temps. Ce ballon qui a du mal à sortir. Ça y est, cette fois-ci, on l'aide. Voilà, on l'aide un peu, effectivement. Ouais. On a poussé comme il fallait. Voilà. Bloqué, contracté, poussé, dégagé. Ça a failli être contré au bénéfice des Écossais qui récupèrent quand même ce ballon. Que vont-ils faire ? Oh, bah, écoute, ils attaquent avec celui-ci. Oui, brother on the wood. Brother in arms. Qui dégage avec un long petit coup de pied, mais qui va dans les voies argentins. Ça y est, c'est du gain de terrain, c'est du hurrah review. Et finalement, c'est un ballon sorti directement en touche au bénéfice. Les Écossais relancent. Cette décision a été bien comprise, je crois, de la population. Laissez les WC ouverts, madame. Le service public. C'est le service public. Bravo, bravo, hein, bravo synthétique, vous l'avez reconnu. Ouais. Arrêtez-moi. Alors peut-être le prochain match de l'équipe de France, vous y serez, mais nous non. Bon, eh bien j'ai le prénom de la petite à qui nous avons souhaité bon anniversaire. C'est ni oui, ni non. On nous annonce d'ailleurs dans la prochaine composition de l'équipe de France, DS Carabine. C'est un peu tiré par les cheveux. Hein, tu m'as l'air comprimé. Tu manques d'aplomb. J'ai affaire au fusil ce matin. Profitons-en. Alors, les Écossais en profitent de ce ballon frais, bien sorti là. Voilà. Ça, c'est le petit coup de pied, hein. C'est l'arme du futur. Et l'arme du futur. Carabine. On y revient. Voilà. Ballon sorti par l'Argentine avec Diego Armandes Hernandez Maradona. Qui donne ce ballon à Messi in the wood. C'est un petit peu brouillon sur la pelouse, hein. Quoique nous regardons ce match avec beaucoup de distance, puisque nous sommes, je vous le rappelle, en France. Mètres, oui. 52 mètres de l'écran, tout petit, mais... c'est pas facile, hein. Ouais, on est dans les stands, on l'a dit dès le départ. Ou intervention, heureusement écossaise, parce qu'on s'infiltre côté argentin, on devient filou. Et je trouve que oui, la défense écossaise tient parfaitement. Oui, mais on redevient filou côté argentin, c'est quand même une spécificité argentine, le filoutage. Non, Jacques. La filouterie. Oui, c'est autre chose. D'accord. Le filoutage, bien évidemment, c'est l'action de filouter. Que le salut. Ballon bien négocié par les gauchos. Les gauchos du 39, hein, très exactement. Oh, il a pris le plat. Du pied. ça y est, en avant. Le Racing Club de France avec Charles qui défonce tout. Et regardons maintenant les partenaires avec Pierre Bourbizier. Nous s'avance peu, mais c'est efficace, on va dire, pour conserver ce ballon, pour le moins. Pour le plus aussi. Hein. Pour le moins, je ne vois pas trop. Pour le plus, je peux te dire. Nous sommes. En me penchant, je vais essayer de voir combien de. Penchez-vous. Chez vous. On dirait que c'est monté. On dirait que ça a passé un petit peu le cap fatidique du double chiffre. Et le ballon est dans les time shift, dans les mains écossaises avec un bon petit dégagement pour réorienter le jeu et prendre à défaut la défense argentine. Mais celle-ci fait bonne garde. Contrée. Retrouve-moi derrière l'église à partir de 12h. La France ne peut rester sans agir. Bien sûr que non. Allez la France. Oui, que font les églises qui défendent les peuples? Ça, par exemple, il y avait un blanc, et puis là, il y a une question qui n'a rien à foutre ici, sauf si on est le dimanche, et on est le dimanche. Oh, peut-être dans l'hémicycle. Mm-hmm. Non? L'hémicycle, c'est quoi? Jean-Pierre Rive qui sort, il n'en peut plus, Jean-Pierre Rive, il va aller resculpter son corps. L'hémicycle, hein, sont des vélos coupés en deux. Mm-hmm. C'est donc du monocycle, quoi, en gros, avec juste une seule roue, pas de guidon, c'est ça, hein, Jacques, hein. Merci. Quand on sera sorti de ce bordel, là, vous me préviendrez, parce que là, on pédale un peu dans la semoule. En tout cas, les Écossais vont peut-être récupérer ce ballon très dangereux. Et là, peut-être du coucou de pied, de l'impact physique. Ouais, bon, ça continue. Ouais. Si, ils essayent, tu vois, de regrouper la défense argentine, à un moment donné, peut-être le drop. La pluie est battante. Ouais. Et les joueurs aussi, comme ici. Ah, pas mal. Avec celui-ci. Oh, comment ils échappent au placage en se baissant un peu pour raffuter le plus bas possible avec John Peter qui transmet maintenant. Et le drop. Le drop et c'est goal. Sûr. Et cette fois-ci, c'est goal. C'était sûr. C'est goal ou il l'a pas mis? Ils le font en Argentine en tout cas. S'il n'y a pas goal, il y a pénalité. Il y a quelque chose en tous les cas puisque l'image est arrêtée. Jean-Louis, oh, il l'a pas mis. Il l'a pas mis. 10 mètres face au poteau. Il loupe le drop. Comment est-ce possible? Pas comment tout à fait face. Est-ce possible? Oh oui, oh, il loupe comme il faut d'ailleurs. Jean-Louis, tu as filmé en direct comme un salaud. Hein. Oui, mais le différé était bien. Ah non, non, non. Et toujours la 3 formation points d'écart. Écossaise, oui. 3 points d'écart. Oui. Ouais. Effectivement. On est loin d'écart aussi côté argentin, du coup. Hein, parce qu'on ne domine pas vraiment, on est dominé même. On est pas très loin d'écart et des bus pour rentrer à la maison, par contre. C'est Dominou, Jacques. Si tu veux vraiment l'appeler, c'est Dominou et pas dominé. soumis, tu es soumis. Alors que là, on a un drapeau un faux drapeau, qui est pas bon, hein, Jean-Louis. C'est un drapeau pourri que t'as eu, Jean-Louis. Là. C'est un drapeau c'est sponsor. C'est la fête foraine, Jean-Louis, tu as eu ça à la kermesse. Qu'est-ce que c'est que ce c'est bordel? Un drapeau belge. 17 minutes 44, 47, 48, 49 secondes de jeu dans cette seconde période et les Écossais montent le cuir. Attack. Oui, mais là, ce ballon était sorti directement en touche, bien sûr. Il ne sera pas négociable par l'économie écossaise qui, je vous le rappelle, pas de l'aile. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Allez-y, monsieur, allez-y, continuez votre discours. S'adresse à madame le ministre de l'Emploi et de la solidarité. Excuse-moi, c'est bon. Avec l'emploi, on en parle, mais la solidarité. Je vous rappelle que le vide-grenier, le pont Pertusa est fini, hein, c'est terminé, il venait plus. Il y a touche, qui oui, ça pleut surtout. Hein, il y a touche. Alors, il y a touche. Il y a une touche. Ah, pardon. Les Argentins qui progressent par leur jeu traditionnel, fait de bourre-paquet. On appelle ça le bourre-paquet. Ouais. C'est-à-dire que vous faites des petits paquets d'hommes et puis vous continuez, vous attendez effectivement la faute de l'adversaire que ne manquera pas de siffler monsieur qui a fait le café 100% arabica moulu en grains ou en instantané. Frais, bien sûr. Et là, par contre, c'est resifflé. Bon. Et oui, mais c'est voilà. C'est pour souffler, même. Voilà, c'est pour siffler. Hein. Très exactement. Et voilà, c'est ce que les Argentins attendent. C'est la fameuse pénalité. C'est là, ils sont redevenus coquins. Mm-hmm. Un peu salopards, oui, dirais-je. Oui, coquins, non. Donc, pour revenir. Poisseux. Est-ce que ça, c'est pas un poisseux? Non. Ouais, c'est. Alors on dira pourquoi. Vous confondez avec Poissy. C'est possible aussi. C'est possible. Alors Jean-Louis, c'est une pénalité. Il l'attend, la pénalité, mais les conditions sont difficiles. Il pleut de plus en plus. C'est Marsico qui va tirer. C'est pas Beto. C'est Beto. Ah, attention, il est là. Il est bon, il est superbe, chauve. L'eau ruisselle sur son crâne tétudé. Face à elle, il s'ouvre instantanément et les cartes. Excusez-moi. Remettez la bonne chaîne. Dimanche patin. Merci. Quel écueil. Responsable, bien responsable. Ouais, non, bien c'est trop difficile de mettre des pénalités dans ces conditions. Il y a du vent. Mais il n'y a pas que du vent, il y a derrière aussi. Et c'est un ballon qui sera relancé tranquillement par les Écossais. Ils tiennent le score. Ils mènent 6-3 et pour l'instant, ils sont encore en route dans la compétition. Je vous invite à venir boire l'apéritif à partir de 11h30 au bar. Lequel? Merci pour cette fausse pub. Ah oui, elle n'a jamais commencé, elle n'a jamais été finie. Oui, c'était une pub. Voilà René qui rentre. Ornemental. René qui rentre, René qui va mettre du vin dans l'eau, puisqu'effectivement, avec ce qui tombe, on est obligé un petit peu de l'agrémenter. La bière peut-être, non? Ah non, Jacques, non. Non, ne dis pas de choses comme ça. On peut y aller, Jean-Louis, parce que là, le changement, c'est sympathique, mais à un moment donné, il faudrait faire tourner le chronomètre. Nous sommes rentrés dans les 20 dernières minutes de cette heure. Ah, merde Oui, Jacques. Et si un match nul, j'ai posé la question à la mi-temps, à tous nos consultants, ils sont partis en courant. C'est vrai, ils n'ont pas voulu répondre, ils ont fui. Ils ont fui terriblement. Oh, le ballon récupéré par l'Écossais, qui n'est autre que John Peter Fitzgerald, qui, je vous le rappelle, a signé à Bourgoin pour l'année 2012-2013. Avec la BCE là, qui va sortir ce ballon, mais le FMI est là, récupère, la banque alimentaire est en touche. Oui, la banque alimentaire qui ne reçoit plus rien. Alors. L'Europe qui veut sabater le pauvre, celui qui ne mangeait pas, ne mangera plus, c'est vous dire. Au moins comme ça, c'est tranquille pour un moment. Oui, le monde est toujours habitué à ce que ce soit le pauvre qui prenne pour tous. Oui. Pauvre, ça va devenir de plus en plus dur. Mais c'est pour ça qu'il faut devenir solidaire, il faut s'entraider maintenant, désormais. Bousiller le système, parce que sinon on va tous en péter un par un individuellement. Ressaisissons-nous, liguons-nous. N'estimez-vous pas qu'il est urgent de réhabiliter les hôpitaux secondaires publics et de tout mettre en œuvre pour faire cesser. Eh bien, c'est la fin de cette séance de questions au gouvernement. Vous voyez voilà la censure, une bonne question d'un député d'un seul coup. On arrête immédiatement le débat. Que fait le débat? Que fait la pouliche? Attention, il n'y a rien qui se passe là, Jackie. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mettez du jeu, j'ai plus de pognon, moi, voilà. J'ai plus de pognon, ça s'achète le jeu, mon gars. Tu sais combien ça vaut une action? Tu sais combien ça vaut un essai? Deux jetons. Alors, il est transformé. Quatre SMS et deux jetons. Vous faites chier. C'est plus grand-chose, effectivement. Dans les chaussettes. Ouais. Si, 18 minutes. C'est assez pour les Argentins pour au moins revenir à égalité, comme ici, puisqu'ils vont avoir la pénalité pour... Il le sait, il le dit. Oui. Jusqu'ici, l'hémisphère sud. Diabolo, fait quelque chose. On prend des notes, conférence se passe bien, non? On voit ça. Alors c'est une mêlée, pourtant la pression semblait plutôt écossaise sur le premier impact. Et monsieur qui a fait le café, 100% arabica, grain ou moulu, il est toujours aromatisé. Monsieur qui a fait le café a sifflé la pénalité pour les Argentins. Oui, enfin au nom du filtre, on y va. J'en ai marre. Ah, cette fois-ci, il le sait qu'il ne doit pas la louper. Vous avez vu, Jules Brunner. Pour l'égalisation. Jules Brunner, qui va tenter, avec un Eva Perronnet, de transformer cette petite pénalité. Voilà qui fait c'est oui, mieux, cette c'est fois-ci, mieux. C'est goal. Cette fois-ci, c'est mieux. Égalisation. Il y a des pénalties. Il y a des tirs au but. Oh, il vient aussi, Jacques. 6-6. Allez, pour un dimanche matin, les gars, c'est pas sympa quand même. Pas d'essai, rien, non, pas de volée, que du coup de pied, de la mêlée. Vous écoutez les programmes de Radio Sportaz. Il est exactement 10h55. Et la joie dans les foyers, et gentil Écosse. Ouais, ça suffit, c'est bon. Accordéons-nous, messieurs, parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi. Ce sera une touche au bénéfice des poches. Des poches. Jean-Louis. Non, finalement, ce sont les Écossais, effectivement, les costumes. Confondez avec le journal local, hein, la débauche du midi. La débêche, comme on dit dans les jardins, je bêche et je débêche. En tout cas, on s'avance côté écossais. Oui. Edinburgh. Ah, c'est le bon moment pour marquer l'essai, là, parce que l'équipe qui va marquer un essai maintenant, je pense, prendra l'ascendant définitif sur le score et sur l'adversaire. Alors, on y va, les gars. Écosse joue ton action préférée, la combinaison 164. Attention, rain in brain. Oh, comme c'est beau. Cheer for fears. Et un loup drop une fois de plus, drop, il hésite un peu, mais il l'accorde. Scottish goal, magnifique drop écossais, superbement réussi par ce jeune joueur. Ouais, la réponse du burger au burger. Qui vient d'acheter un appartement, je vous rappelle. 110 000 euros, je pense. Ah, j'ai cru que c'était les mètres carrés. 110 000 mètres carrés, non, ça c'est beaucoup. Eh bien, l'Écosse repasse devant ici. C'est le charivari. C'est la course-poursuite. Et on écoute Guitou au piano. Bon réveil à vous. Bon réveil chez vous. 6-9. Dimanche 25 septembre 2011. Quel très beau score. Argentine-Écosse. Oh. 6-9. Je pense. Ne tirez pas sur le pianiste. Non. Ne tirez pas trop. Donc, les Argentins obligés de repartir, bien évidemment, au combat et à l'assaut. Argentina, también. Ah, saucisson pour nous, là, tout también, à l'heure. También, bicicleta. Chez Chabal, il y a peut-être l'action, pelota, mais il leur manque leur maître à jouer aussi. Celui, ah. qui, est, celui qui fait la folie dans cette équipe, c'est Juan Miguel Hernández. Del Poto. Del Poto, qui est un superbe joueur de ski, de tennis et de football. C'est... También está el rugby. Multisport. Está bien Argentina que avance, mais... avance petitement, mais qui est encore dans sa moitié de terrain. Mais oui, ils sont loin pour aller marquer un essai, alors que là-bas, il y en a un qu'il faut réveiller. Il dort. Tout le monde est à son chevet, à Passa. À Passa, avec Paris-Dakar, Buenos Aires. Oui, oui c'est, le, c'est effectivement le Ushuaïa. C'est un peu l'Ushuaïa du rugby, le Racing Club de France qui prend la balle une fois de plus avec Chatal. Vous ne manquez pas de culot. Chacal, Sébastien Chacal, ouh. Qui essaye de s'infiltrer. Jean Bourbier, qui partait tout seul. Où est ce ballon? Là, là, avec. Está bien. L'air de la meurtre qui met derrière. Oh, ça y est, les Argentins commencent à trouver le rythme de sortie de balle pour effectivement bouleverser un petit peu la défense écossaise, mais ça s'y tient bon et oui. renvoie celui-ci. Du côté de Buenos Aires. Ah, double renvoi même. Ah oui, là, c'est, le gouvernement français va s'en inspirer, j'en ai bien peur. Et c'est une pénalité, cette fois-ci, au bénéfice des Écossais. Oui, nous approchons petitement de l'égalité de la fin du temps réglementaire. Oh là là, merde, merde, arrêtez! Aïe, aïe, aïe! Tu me fais mal! Oh, c'était terrible. On est polisson hein, ce matin. Un peu, oui, mais quand il n'y a pas l'équipe de France, de toute façon, on est nettement plus détaché de ce qui se passe. Des sales choses du rugby. On est détaché, oui. Effectivement, elle peut sembler sévère, la pénalité contre les Écossais, car me semble-t-il, il était bien resté sur ses appuis. Il avait fait l'effort d'avoir les deux pieds au sol et les mains sur le ballon. Attention, il va taper. Pour égaliser. L'égalité. Revenir. Il peut la viser. Et à côté. Tac, tac, tac, boum, tac, tac. Tout de temps. Pour vous déconner, gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug c'est poteau, c'est poteau. Sur le poteau, tout pour tout. On l'avait dit, Juan Martín del Poto. Il a réussi son coup une fois de plus. Bravo Coco. Le score a changé. Ça fait beaucoup de points laissés en route quand même, me semble-t-il. Par la formation argentine et à ce niveau-là de la compétition, peut-être ne mérite-t-elle pas d'aller plus loin dans celle-ci. Oui, là, les Argentins ne sont pas au point. Je vais à la cave. Dégagement Écosse, Argentine maintenant, relance, coup de pied, par-dessus. Rien, c'est bien joué. Par-dessus, ça tombe bien, qui est en dessous, c'est un Écossais. Tranquille, ouais, oh, écoute, ça y est, on va pas s'affoler non plus, nous allons bientôt rentrer dans les 10 dernières minutes de cette confrontation, et pour l'instant, les Scottishmen sont pas mal, les costumes Donald. Attention, il y a Macfisto. Forsak. Macarena. Ouais, là par contre les Écossais feraient bien de renvoyer le jeu effectivement du côté argentin, sinon il s'expose soit un contre, soit une petite balle un peu dégueulasse, et là il trouve une touche magistrale qui emmerde bien le défenseur Gostos. La la la la la. À table. Ah, pas de suite, on peut pas, là, encore 10 minutes hein. Ok. François, t'attends 10 minutes, après tu nous mets les entrées. Mon show. Machado, qui vient de nous rejoindre, et on te félicite, Jacques, pour Martine Aubryskol. 68 minutes et 56 secondes, le temps est arrêté, hein. C'est une spécificité rugbystique. Oui, le temps est arrêté, tout simplement. Oui, enfin, pas plus que nous, mais... Ah si, le temps est arrêté ici, il pleut salement, j'ai peur, le nez. Ah oui, pardon. Touche à Toca para Argentina. Oh, mais elle est contrée. Oh. Le contre écossais fait énormément de mal. Bobo à la tête aux Argentins dans ce domaine qui ne peuvent lancer leur jeu, mais ils ont récupéré le cuir quand même. Pas mal vu. Oui, enfin, les Écossais finalement dominent dans tous les domaines. Men et men. Et on me demande si Guacamole est sélectionné. Eh bien non, Guacamole est chez son avocat. Ça mixe un peu, ça, mais bon. Est-ce qu'il a un problème avec son avocat hein. Et cette fois-ci, oui, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire là. Tu ne m'as pas écouté. C'est ça. Vous êtes en flagrant délit de ne pas écouter l'autre. Et c'est regrettable. C'est une pénalité pour contre toi, pour moi. pénalité pour les Écossais. Et ça, j'apprécie. À la tienne. Apprécie. J'apprécie. Oh, c'est super. Écoutez-moi ce son. Écoutez-moi ce son. Un son Jim. Un son Jim. On le remercie. Oh, quelle touche magistrale trouvée par... Velouté de... Oh oui, un velouté de touche, là. Ouais. Oh, bravo, Coco. Ouais, avec moult choune. Elle le sait, d'ailleurs, il en rigole. Mais ça peut donner une balle magnifique pour les Écossais. Une balle de tuons le match. On appelle ça la balle de tuons le match. La TLM. Ils vont se charger de la prendre. Ils sont très forts en touche, les Écossais. Ils ont bien embêté les Argentins dans ce domaine. Ils vont la prendre, ils vont se mettre, se lier et aller marquer en force pour clore le destin de ce match et ainsi se propulser vers les quarts de finale face à l'ogre néo-zélandais. Voilà. Il reste une dizaine de minutes. C'est Lord de Barbarie qui fait ce... Te touche. C'est fait, ça sort, c'est bien. Non, là, on essaye, tu vois, on essaye de se lier et de progresser. Mais non, l'intervention de monsieur... Qui a fait le café, bien sûr. Voilà. Bien serré, hein, monsieur. Il est bien serré près de l'action, effectivement. Il serre l'action au maximum. On ne voit pas, mais il est bien serré. Il est en boudoum. Regardez, il est là, hein, monsieur. Qui a fait le café en 16-9e, vous le voyez mieux certainement, parce que nous n'avons que le 3 quarts, voire le 4 toits. Loudrops de plus. Loudrops de plus, et goal. Et goal. Ah oui. Scottish goal, bravo. Ah, et il se montre efficace vu que c'est très difficile d'aller marquer un essai aujourd'hui. Le ballon est en glissant, ceci, cela, patin, coup fin. Eh bien, autant prendre les points au pied quand ils sont disponibles. 3 points de plus pour les gosses. Et là, ils prennent le large. Ah ouais, puis alors là, il est tendu, hein, disons. C'est drop tendu. Drop ball. Et c'est ball, c'est goal, c'est drop 6 ball, points de plus pour les Écossais. 3 points de plus et donc 6 points d'écart. Voilà, c'est ce que je voulais. Vous fitez un raccourci. Mais très mal. Bien sûr. Avec les Argentins qui ne savent plus quoi faire du coup. Ils ont obtenu une faute, certes. Leur bénéficie, ils en profitent. 2-3% d'intérêt. Nous sommes, ça oh là, mais nous sommes déjà dans les 10 dernières minutes. Oui, oh là, 8 minutes seulement à jouer dans cette confrontation entre les deux formations. Et c'est pour ça que les Argentins s'excitent. Bah ils sentent bien que maintenant l'écart est grand et qu'il faut aller chercher des points. Ça, c'était bien joué. Un essai possible. Voilà, ça, c'est un bon. Essai vas-y, possible. Vas-y. Un essai possible. Il peut le faire. Un essai possible. Vas-y, il est beau, il est fort, il est magnifique, il est grand. Un essai possible à l'acte. Oh, marque chez l'espoir individuel de Diego Armando Mendes de González Ochoñez. Bruno. Oh, quelle énergie en fin de match. Ah ouais, dis donc, ça a été fantastique ce qu'il a fait d'ailleurs. Il faut le sortir de suite, la respiration artificielle, parce que là il s'est mis minable. Lucas Tou. Ah oui, oui, oui, combien de plaquages ont été foirés, combien de plaquages ont été loupés. C'est pas la peine de marquer water sur le mec, on le voit qu'il pleut quand même. On voit Mar del Plata qui trouve... Et c'est là. Ici, il échappe au premier, ça c'est bien joué. Et ensuite, le crochet intérieur, c'est super. Ouais, alors là, il y a des fautes de plaquage. Oh là là, dis donc, mais là, il a... Wow. C'est le Steve Austin, il a la jambe droite bio-ionique. Et c'est goal. Et s'il transforme, il repasse devant, il passe devant. Et oui, Jacques. Oh. Eh bien oui, Jacques. Il n'y aura c'est pas. C'est une très très bonne analyse. De match nul, en tout cas, grâce à cet essai-tessé. Ouais, effectivement, ça nous épargne cette difficile combinaison de points. Ce match sera TTC donc. Allez, vas-y, Coco. Alors, il le met, ils sont devant d'un point, ils le loupent, ils sont derrière d'un point. C'est l'équation. Pour lui, elle est très simple et il le sait. Yule Burner. Pas toujours très bon dans ses coucous de pied. C'est sûr, il en a loupé quelques-uns, mais pas celui-ci, Jacques. Pas celui-ci, même si les fauves sont lâchées. Il le loupe. Ah non, il le met. Oh, disons, je la vois à côté, mais finalement, c'est dedans, c'est goal. Les Argentina devant d'un point. Oh. Ah, c'est incroyable. Alors que ce match allait tout simplement se terminer, eh bien non, il se relance. Il revit. 70 jours dans son bain de nature. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? Enfin, monsieur. Monsieur. Aïe. Les informations. Merci les gars. C'est pas sûr. C'est un générique, mais on ne sait pas de quoi. Ouais. Et relance écossais, c'est à eux maintenant d'aller chercher la victoire. Oh, quel suspense. Ouyou, c'est redémarré par les Écossais qui sortent ce ballon en plus. C'est autorisé manifestement. Ouais. Ils vont bien sûr contester la touche, le lancer argentin qui pour l'instant n'est pas tout à fait au point. Ils vont tenter de le capter, comme lui capte Radio Sportage dans son oreille droite. Et on a vu Icar prêt à s'envoler. Mais sans Radio Sportage, il ne prendrait pas la route. Oh là là, quelle phrase! C'est l'heure du casse-croûte! D'accord, bon appétit mes amis! 13-12 en tout cas pour les Argentins qui goûtent un peu de quart de finale. On se demande finalement quelle opportunité d'aller en quart de finale quand tu sais que tu vas rencontrer les monstres sacrés, là, les trucs qui te démontent la gueule. Parce que là, ce sera le quatrième match pour les Argentins et je peux vous dire que là, les rayures vont se mélanger sur le corps et le maillot. On va les mettre à la verticale, effectivement, sûrement. Alors, sorti pour qui ? Coteco, c'est non. Pour les Argentins, c'est les Argentins qui vont se dégager tranquillement et le plus loin possible en essayant de récupérer soit le ballon, soit la pression. Et ça, c'est bon, la pression. Et bonne recuperation pour Scottishman. Il y a le temps quand même d'un coup de pied, d'un drop, sans problème, d'une faute. Ça est une faute, tu vois, effectivement, une faute. Faute technique. Ça est une belle récupération de Kiki. Qui veut ce ballon ? Qui veut le babal ? Qui l'a vu la babal ? Joachim Noah. Ils se jettent dessus, les Argentins, ils l'ont prise. Sous le dunk. Alors ça va être bon pour eux, tu vois. Les Argentins qui se dégagent, mais pas très bien. Difficilement, il a fait dans le trou vide, là. Hey, il fait ça, hein. Hey, Alberto. Alberto. Alberton. Alberto. Calberson. Et monté. Tout seul. Il s'est fait prendre, oui, il s'est fait prendre la cuisse. Monsieur Four a gagné. Faudra pas aller tout droit, les gars. Il y a du monde au milieu, donc voilà. Il y a du monde à l'extérieur aussi. C'est peut-être pas mal. Tu la donnes ta balle. Non, c'est dommage ça. Il aurait fallu que tu files ton ballon alors qu'on voit les roupettes magnifiques dans le short blanc. C'était un plan superbe de Jean-Louis. Avec ici, une fois de plus, les Scottish qui tentent de prendre le milieu du terrain. Ouh, McAllister. Non. Jacques, il n'est pas partout quand même. Il faut pas exagérer. McAllister, oui. Les Écossais, j'arrête de commenter les actions, là. Maintenant je les regarde. Parce qu'ils me soufflent. Ils me soufflent aussi, ils m'ont brisé. Ils m'ont brisé la journée, là. C'est absolument regrettable. Et pourtant il pleut. On accélère côté droit, on affûte. Et oui, les Écossais sont obligés d'aller chercher ou au moins cette petite pénalité ou la position de drop, enfin quelque chose. Ils sont qu'à un point seulement, un point de la qualification. Alors ça continue, par-dessus le petit coup de pied dans l'angle mort pour bouleverser la défense. Mais l'Argentin n'est pas bête. Oui, il se dégage intelligemment avec le pied opposé. Il trouve une superbe petite touche. Bravo Coco. Bravo. Il sera le héros du match si ça en reste là. Il est en Bluetooth, hein, manifestement. Vous avez quelque chose et on revoit cet essai superbe. Le crochet et le recrochet. Oh, capitaine, crochet. Yepa. Bien, nous allons finir tranquillement en roue libre. Peut-être est-ce le dernier match de cette compétition pour nous. Il ne faut pas suivre les informations. Il y a des bouleversements à venir. Ils sont bien évidemment absolument pas inhérents à ce que nous souhaitions faire. À votre écoute également, suivi régulière, réglementaire même. Vous aurez les podcasts pour vous souvenir et le streaming pour vous réjouir. Oula, on a vu le poids welter, 2 directs, 3 directs, là ça combat, c'est côté écossais. Et pendant ce temps-là, on fait tourner le chronomètre du côté argentin, voyez-vous, regardez les secondes qui s'égrènent. 2 minutes 30 à jouer pour les Écossais pour aller marquer quelques points. Un seul, ça suffirait, 2 voire 3. Récupération du ballon par l'Argentine. Ça sonne. Ouh, les kilts reculent. Les kilts, effectivement. Et les mathémates. Jean-Louis Casseras. Oh là, oui, il y a du blessé. Bien, nous, on va aller prendre un petit jingle, peut-être, si on a ça. Oui, d'autant qu'on a bien. On a bien travaillé. On a bien travaillé, mais je crois aussi qu'on a enfin, je dirais, un nouveau jingle frais, digne de ce nom. Il y a Fantomas sur la pelouse. Comme vous le savez, on y va. La radio, la télévision, on a intégré aujourd'hui l'Internet. Radio Sportaz. Terrible. Finalement, c'est la qualité. Sportaz. On appelle ça plus communément de la merde, votre information. Une phrase a oublié d'être enlevée. On a oublié une phrase dans ce jingle. Un truc en plus. You are. C'est quoi l'UAR, Jackie ? Une aération rapide, c'est un nouveau concept. Hein. Vous ouvrez, vous écartez, ça aère immédiatement. En effet, Jean-Louis, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Jean-Louis qui s'est recouché. Oui, c'est ça. Jean-Louis qui s'est recouché. On le voit, juste là. Après. Voilà, Jean-Louis. Il est pas bien. Il s'est fait endormir, je crois. Effectivement, il y a du monde à son chevet. Il s'est fait réveiller, donc. Jean-Louis n'est pas bien. Hein. Il a besoin de lui. Ouais. D'ailleurs, il ne peut même plus faire un gros plan sur lui-même. Hein. C'est son fils hein, qui va venir à la caméra. Jean-Louis. Et regardez sa femme qui va venir le chercher en voiture. Jean-Louis, un gros plan, s'il te plaît. Enfin, c'est pas Jean-Louis, mais qui a les manettes? Gros plan sur les manettes, la voiture arrive, sa femme est en bas, vous la voyez, et elle repart sans lui, elle le laisse finalement sur la pelouse, et il y a de la cacasse. Hein. Attention. Oh là là, ouais, le tien, hein. Prisonnier, le délinquant est ramené par la police jusqu'à la prison. Un petit larcin. Et un gros larcène. Mêlée et débrouille. Oh putain, elle est passée vite celle-là. Vous savez qu'on roule à 50 en ville. Mêlée, et bon, à peu près 2 minutes de jeu à jouer, hein. Pas beaucoup plus en tout cas, voire un peu moins. Nous sommes toujours à 12 auditeurs, 10 dans ces jeux à Jacques, juste un petit clin d'œil. Oui, un petit clin d'œil pour ceux qui... Et un Gérard clin d'œil, 15 c'est du rugby, c'est bien du rugby. On se réveille à 2 minutes de la fin, pourquoi pas. Oui, mais avec une bonne pénalité pour les Écossais, mais elle est loin, trop loin pour être tentée, surtout dans ces conditions. Ils vont donc évidemment jouer la pénale touche, ce qu'on appelle la pénale touche. Ils retentent le coup de tout à l'heure, mais cette fois-ci, ils se loupent. Oh, et pourtant, avec chance en plus, ils récupèrent le lancer. Oh là là là là là là. Ça relance cette fin de match. Ah, il en a bouffé le cuir. Ah ouais. Et puis alors lui, sa journée particulière. Ouais, il a loupé des buts de pénalité. Il marque un essai fantastique. Et là, il peut donner la balle de match aux Écossais. Oh là. On peut le revoir là, mordiller le téton de cuir. Non. Jean-Louis a coupé l'image. Hein. Il n'aime pas ces choses sexuelles. 13-12. Dernière action, sûrement pour les Écossais. Collectif, mais perdant. T'énerve pas. À ce moment du match. Ah ouais, mais là c'est le drop. Le finish. Ah oui, c'est le drop, Jacques. Ah, c'est sûr, puisque l'essai ne passera pas, c'est pas la peine. Ils vont mettre leur ouvreur en position de drop, puis sortir magnifiquement ce ballon. Regarde ça, il est là, il est prêt. Il est à 15 mètres seulement des poteaux. Sortez-lui la balle et il met le drop et vous gagnez la partie. C'est vrai. Et ça peut être aussi con que ça. Ils sont capables. Le low cost. Ouais, allez, il faut la sortir avant que l'arbitre ne conteste tout ceci, rende une mêlée au bénéfice des Argentins qui pourraient alors se dégager. Non, il faut marquer maintenant, le drop maintenant. Ils se maintenant, sont les tous mecs. Ça va finir en faute. Voilà, ça va finir en fausse faute. Attention, ils ont perdu le ballon, on dirait. Oui, non, ah non, ils l'ont, le drop. Et il ne peut pas le faire. Il est gauche, il est contré. Oh. Recuperation Argentina. 20 secondes. Que vont faire les Argentins? Même pour l'instant, ils jouent, la montre surtout. Ah oui, ça tourne, le temps tourne, là, le chrono n'est pas arrêté. Mais ils ont mal joué le coup, les Écossais, parce qu'il lui a donné le ballon pour le drop, alors qu'il était complètement sous pression, avant qu'il fallait le faire. Ils se sont complètement loupés, et je crois qu'ils vont se faire sortir de la compétition par des Argentins chanceux sur le coup. Certes, on ne sait pas d'où ils ont été chercher cet essai vainqueur, en tout cas qui les met en situation de remporter ce match. Oui, mais ils sont, ça y est, puisque c'est le coup de renvoi, si le ballon sort, oh, non, c'est fini maintenant. Sorti. Il faut qu'ils le prennent sans faire en avance. C'est fait. Il n'est pas sorti, dernière action. Ah oui, dernière, ultime. Ultima offensiva para l'Ecosteam maintenant est froissé un petit peu, mais l'Ecosteam tient encore avec une bonne ouverture, la grande combinaison, les chaussures rouges, Red Shoes Man, maintenant qui met la balle derrière. Last action. With movement. Shields, Richard. Jean-Pierre la balle. C'est plus bon, ils l'ont bon, conservé. Ils ont conservé d'accord, quand même. D'accord. Si c'est jouable, tant que le ballon n'est pas sorti et que les Argentins l'ont pas récupéré pour le mettre en touche. J'aime bien cette règle d'ailleurs. C'est jouable. L'os d'Écosse. Ah oui, bon placage. Là par contre, il s'est fait secouer comme il faut et s'il ne lâche pas le ballon, double il sera pénalisé. Ça sort, ça pas rentre. Terminé, on attend, ils sont là. Oh, c'est pas les fini. Les cadres de l'équipe. Attention. Avec Red Shoes Man qui lui a fait quelques trucs toujours, il continue. Dernière action les gars. Donnez tout. Alors c'est ce qu'ils font d'ailleurs, Jacques. Là, je pense qu'ils sont en train de tout donner, même le paquet. Et le ballon. Avec un petit surnom peut-être sur le côté, il peut donner. Non, il revient à l'intérieur, il plonge magnifiquement dans la piscine. On relâche tout. Voilà, ça sort. Et c'est encore possible. Ah, c'est encore faisable. Combien va durer cette action? Ils avancent, ils avancent, mine de rien. Oh oui, comme on dit chez les Grecs, ça va laisser des traces. Le côté droit là-bas, ça manque un petit peu de vitesse. Ah oui, mon pote est droit, moi aussi, je peux vous le dire. Et ça continue quand même pour les Écossais. Il s'est relevé. Mais il a perdu le cuir. Non, c'est beau, c'est technique. Oh, c'est fou. Oh, cette fin de match. C'est tenace. équipe à l'emporter. Bon, ça arrive du côté. Pas d'en avant. C'est encore jouable. Ah oui, bon, on arrive à 82 minutes bientôt, c'est dingue. Si ça continue comme ça, on arrive à 250 minutes. Oui. L'action la plus longue du monde. Pas de coup de pied, ils ne peuvent pas le faire. Pas vraiment. Avancer et pas faire de faute. Espérer une ouverture et aller jusqu'au bout. Alors, vas-y, Popo. Vas-y. Allez, Popo. Popo est fermé. De l'intérieur, même avec une petite offensive là-bas, une combinaison. C'est pas con. Vers l'intérieur. Il n'y avait pas quoi. Ah oui, ils sont obligés d'éviter les angles là-bas et la sortie du cuir. Sinon, c'est la fin du match. Oh, c'est la fin, les gars. Oh, ça va trop. Nous, on s'en va. Bon, on va fermer ou quoi fini, Non, vous êtes gentils, mais il ne faut quand même pas exagérer. Ouais, c'est dimanche, il y a d'autres choses à faire. Faites ce que vous avez à faire. Parce non, sérieusement, ça ne va plus du tout. Ouais, c'est un peu mieux, on va dire. On a pris 5 mètres. 3 kilos. Effectivement. Ouais. Si vous aérez, pourquoi pas, mais si vous jouez comme ça, là, c'est pas vraiment la peine. Non, parce que là, c'est dans le même périmètre. C'est monstrueux. Là, c'est un peu mieux. Bon. Nous sommes déjà au-delà des 2 minutes et demie de temps de jeu supplémentaire. Et ça continue de galoper sur la pelouse. Ils vont y laisser quand même des couilles et 3 poumons aussi. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est terrible. Il conteste le ballon. Si l'arbitre vient signaler quelque chose, il récupère par les Argentins. C'est vrai. Il dégage en tout. Et, voilà, c'est, et c'est fini. Argentina. Argentina, calificación, Argentina, calificación, gol. Surprise, bon, pas vraiment, pas là, parce tout à fait, ouais. Mais ce fut dans la douleur, dans la fraîcheur. Et dans les pleurs pour l'Écosse. Un petit peu tout de même. À la fin, ils vont regretter sûrement un maximum de leurs occasions. Ils ont largement dominé, posséder le ballon. Ça va très vite chez TF1. C'est la fin de ce match. C'était un Sportaz 739 dominical. Que nous allons finir en douceur et en musique. Avec Jean-Patrick Castra. On se retrouve, c'est pas trop quand. Peut-être dans un aéroport, dans une gare, ou chez vous, tout simplement. C'était Loris Song, extrait de l'opéra The Tenderland d'Aaron Copland, chanté par Down Up Show, accompagné par David Inman et l'orchestre de St. Luke's. A tout de suite. Cet opéra de Copland. C'est toi, opéra. Eh bien, c'était Sportaz avec Jacques, David et Jackie. Bien sûr, 739, bien sûr, premier tour de la Coupe du Monde, peut-être dernier pour nous. Vous le saurez, le site. Bien sûr, on en était là, vous le saurez, grâce au site de Radio Sportaz, grâce à Ombilical, grâce à tous nos amis. Et vous pourrez réécouter ce match, bien évidemment, d'ici quelques heures sur le podcast Radio Sportaz. Nous vous disons bon dimanche, madame. Bon dimanche, mamselle. Et bon dimanche, monsieur. Si on chantait, si on chantait. Riders on a storm. This is the end, my friend. This is the end. Qui ferme la doors? Ah, va t'habiller, Jacques. T'as raison. Démarre, vas-y, on y va.